Yeah. E se eu cavei e tripa pra você, nunca vê mon palesso, não. Lá de mon bobran pra o alpaço, vi sa se pa qual te da gecle. E mon ba que pede june, moi-même, moi ba pede june pa. Imbécile, c'est sot qui babaye devant pot donné, de yé kai. On a campé la brigade ou ses affaires ou la fête. On dit est-ce qu'on veille de l'hypop en pensée donc. Les démons ne comprennent pas où elle passe, Sophie, ça c'est pas quoi le titre de l'écrit. Qu'un monde capé fait du journée, moi-même, moi, va perdre du journée, pas moi. Imbécile, c'est ça qui babaye devant pas tourner des yékaïs. Mon nom capé l'a dégagé aussi, ça fait où la fête. Mais qui te m'en fait si même, moi pas tout même. connais moins. J'y mets la caille là. Caille la caille moins. Mettre critique. Elle a difficile. Merci beaucoup.